chanter dans la rue ou à sa fenêtre, chanter avec une radio, des cassettes, chanter quand on n'est pas bien dans sa tête, chanter, chanter dans la salle ou derrière le rideau, chanter, ne pas attendre les bravos et chanter, offrir son histoire en cadeau et chanter. Parce qu'on est un enfant mal aimé, pour changer de nom d'identité, pour ne pas dire qu'on a pleuré. Drôle de métier, mais chanter sur un écran de toutes les couleurs, chanter innocemment, ouvrir son cœur et chanter, surtout ne jamais avoir peur et chanter. Drôle de métier, mais chanter, écrire la musique, les paroles et chanter, être une étoile chez les idoles et chanter, comme sur le chemin de l'école, oh chanter, chanter.